les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Les causes d'annulation du mariage. L'annulation du mariage ne doit pas être confondue avec la dissolution du mariage qui n'intervient qu'en cas de divorce ou de décès de l'un des époux. L'annulation est une procédure judiciaire qui annule purement et simplement le mariage comme si l'union n'avait jamais existé. Elle est prononcée lorsque se rend compte, une fois le mariage célébré, que les conditions de validité de l'union n'étaient pas réunies au moment de sa célébration. Cette annulation est une procédure lourde qui a pour finalité de remettre les époux dans la situation familiale et patrimoniale dans laquelle ils se trouvaient avant le mariage, comme si leur union n'avait jamais existé. Lorsqu'elle est prononcée, elle annule tous les effets du mariage. Un mariage est considéré comme non valable s'il a été contracté en dépit de certaines conditions indispensables à sa validité. Cette procédure est du ressort du tribunal de grande instance. Les cas qui conduisent à l'annulation du mariage sont classés en deux catégories, la nullité relative et pour les plus graves, la nullité absolue. La distinction concerne les conditions de mise en œuvre de cette nullité. L'action en nullité relative ne peut être demandée que par les époux, alors que la nullité absolue est ouverte à toute personne intéressée. L'action en nullité absolue peut être exercée dans un délai plus long que l'action en nullité relative. La prescription est de 5 ans pour l'action en nullité relative et 30 ans pour l'action en nullité absolue. Alors, quelles sont les causes de la nullité relative ? Le vice du consentement de l'un des époux. Par exemple, le consentement doit être donné librement et en connaissance de cause. L'identité ou la personnalité du conjoint doit être connue de l'autre. Par exemple, vous pensez épouser un célibataire et vous découvrez après plusieurs années de mariage qu'il est divorcé. Autre cas de nullité relative, on découvre que le consentement de l'époux a été obtenu sous la violence de son beau-père, par exemple. Il y a également le défaut d'autorisation familiale. Pour les mineurs qui souhaitent se marier, l'autorisation parentale est nécessaire. Les majeurs protégés, également placés sous tutelle ou curatelle, doivent recevoir l'autorisation des parents ou du conseil de famille pour pouvoir se marier. Concernant les causes de nullité absolue, il y a l'absence d'un des époux. En effet, pour que le mariage soit valable, les deux époux doivent être présents le jour de la célébration. Il y a également l'absence ou la violation du consentement. Il est question des mariages visant l'avantage financier ou naturalisant pour obtenir la nationalité française. S'il s'avère que le mariage est conclu avec un étranger dans le seul but de lui faire obtenir la nationalité française, la nullité absolue du mariage peut être prononcée. Il y a également l'incompétence de l'officier d'état civil à la clandestinité du mariage. Le mariage doit être célébré publiquement par un officier de l'état civil dans la commune du domicile ou de la résidence de l'un des époux. Il y a également la bigamie. En effet, une personne mariée ne peut se remarier si la dissolution de son premier mariage n'a pas été prononcée. Il y a également l'inceste. En effet, le code civil interdit formellement le mariage entre un ascendant et un descendant. Et enfin, l'impuberté. Personne ne peut contracter de mariage avant d'avoir 18 ans, sauf exception. Les mineurs peuvent se marier sous réserve de l'autorisation de leurs parents. En cas de désaccord entre les deux parents, ce partage emporte consentement. En conclusion, les causes de l'annulation du mariage sont donc diverses et variées. Il est important de distinguer l'annulation de la dissolution du mariage qui, elle, n'annule pas les effets du mariage. Et les causes sont évidemment différentes. L'annulation reste exceptionnelle en France, mais cette opportunité est indispensable pour permettre aux victimes de mariage forcé, d'inceste ou de toutes sortes d'abus de s'extraire de ces situations insoutenables. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.